الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On continue, c'est notre dernier cours vis-à-vis du sujet ou du thème des opportunités d'entrer au paradis. Donc quatre choses qui sont faciles à faire, qui sont légères et qui permettent d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la hadith rapportée par l'imam muslim, فيقول عز صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما، qui de vous s'est réveillé en tant que jeûneur, qui jeûne aujourd'hui. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، donc Abu Bakr dit moi. Et il dit صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة أو جنازة، et qui parmi vous suit le cortège funèbre. Et Abu Bakr Siddiq répond moi, radiallahu anhu. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam famen at'ama minkum al-yawm miskina, qui de vous aujourd'hui a nourri un pauvre. Il répond Abu Bakr ana, moi. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam famen 'ada minkum al-yawm marida, et qui d'entre vous a visité un malade. Et encore une fois, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, répond ana. Donc ces quatre œuvres qui ont été accomplies par ce compagnon illustre, le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à chaque fois moi. Donc on voit qu'il ne délaisse rien. Il ne délaisse rien. Et les gens qui ne délaissent rien et qui sont tout le temps en train de chercher à œuvrer et à faire les meilleurs actes, on les appelle sabiqoun. On les appelle sabiqoun. Car ils s'empressent à commettre les biens. Et c'est bien sûr, ils s'empressent, donc non seulement ils se concurrencent, donc ils font concurrence, et aussi ils s'empressent à commettre le bien. Et ce sont eux, ce sont eux ceux qui vont se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Car le jour dernier, les gens seront divisés en trois. Ashab al-Shimal, les gens de la gauche, Ashab al-Yamin et al-Muqarrabun. Donc pour les gens de bien, il y aura Ashab al-Yamin et al-Muqarrabun. Et al-Muqarrabun, ce sont ceux qui pratiquent, qui accomplissent les bonnes œuvres, qu'elles soient obligatoires, surérogatoires, et même dans ce qui est licite. Ils vont y mettre la niya afin que le licite devienne mandoub, bien, c'est-à-dire que ça sera récompensé comme si c'était un œuvre ou un acte qui est sunna, et ils délaissent ce qui est interdit et ce qui est makruh. Et cela, on les appelle al-muqarrabun. Tandis que les autres, ashab al-yamin, ils peuvent avoir donc des péchés mélangés, même si c'est des grands, avec les. Donc les péchés qui sont mélangés. Donc les péchés, après, qui peuvent être mélangés avec tes bonnes actions ou avec tes bonnes œuvres. Donc on appelle cela un muqarrabun. Et voici les exemples. Donc l'exemple parfait de Abu Bakr Siddiq vis-à-vis de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, afin de honorer cette communauté, il n'a pas fait des compagnons des autres prophètes al-muqarrabun. Al-muqarrabun, ça n'a été que pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas pour les compagnons des autres prophètes. Ils sont arrivés au niveau de Al-Muqtasidin, ils ne sont pas arrivés au niveau de Al-Sabiqun Bil-Khayrat. Car Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit que si on divise ces gens en trois, donc il y a Zalimun Nafsi, celui qui va commettre de l'injustice envers lui-même, dans le sens où ses péchés sont plus grands que ses hasanat. Et il y a Al-Muqtasid, celui qui a des bonnes œuvres, des mauvaises œuvres, des petits péchés, des grands péchés, des sunnahs, il fait des œuvres surérogatoires et aussi obligatoires. Et le meilleur d'entre eux, c'est ceux qui sont sabiqun bil khayrat. Sabiqun bil khayrat bi'iznillah. Donc ceux qui s'empressent à commettre tous les biens. Donc Abu Bakr Siddiq a dit moi à chaque fois pour ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par la suite ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه شبكه الصغون donc réuni chez une seule personne si la personne commet ses quatre œuvres dans ou bien accomplit ses quatre œuvres dans la même journée entrera au paradis si l'un d'entre vous est capable de faire cela dans la même journée il sera promu au paradis bi'idhnillah azza wa jalla sahih qui est rapporté par les mêmes musulmans. La bonté, de la bonté envers les voisins, de la bonté envers le voisin. Et cette bonté va permettre à la personne d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on cite, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, Wallahu la yu'min. Trois fois du jour, sallallahu alayhi wa sallam. Qila, wa man ya Rasulallah. Et qui est envoyé d'Allah? Qal, الذي لا إثمان جاره بوائقة celui qui ne protège pas ses voisins de son tort. Le bawa'iq, c'est le char, c'est le mal. Donc celui qui va causer du tort envers son voisin, c'est-à-dire envers son voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne croit pas. Il le dit trois fois. Vous savez bien que les voisins ont des droits qui sont énormes, des droits qui sont importants, qu'ils soient musulmans, qu'ils ne soient pas musulmans. On va retrouver chez certains savants le fait de dire que le nombre des voisins, donc les voisins sont au nombre de trois. Le voisin qui est musulman, donc le voisin qui est non musulman, donc ils disent qu'il y a un droit. Le voisin qui est musulman, donc on lui retrouve deux droits. Le voisin qui est musulman et de la famille, on y retrouve trois droits. Bien sûr, parce que c'est tiré d'après un hadith qui est daïf. En vérité, le voisin est au nombre de deux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle, qu'il dit al-jar, al-junub, wal-jar dhil-qurba. Le voisin qui est proche et le voisin qui est loin. Le voisin qui est proche et le voisin qui est loin. Donc c'est deux, on va dire deux grands chapitres, il y a deux voisins. Et dans les deux voisins, on retrouve encore deux sous-bassements. C'est-à-dire, on va retrouver, ces deux grands chapitres sont divisés en deux. Car le voisin qui est proche, il peut être musulman ou non musulman. Et le voisin qui est loin peut être musulman ou non musulman. C'est-à-dire que la famille n'entre pas en compte dans le voisin. La famille, même s'ils habitent à 7500 km, ça reste de la famille, ils ont des droits de famille. Donc ça n'entre pas, c'est pas une question du voisinage. La famille n'entre pas en compte, eux ils ont des droits qui sont à part. En vérité, c'est deux droits. Il y a donc deux grands droits, et dans les deux grands droits, on retrouve deux petits droits. Donc les deux grands droits qui sont le voisin proche et le voisin lointain, musulman ou non musulman. Donc voici comment on va être en réalité, vis-à-vis du verset, comment les ulama ont retiré, c'est-à-dire qu'on retombe, justement retrouver, c'est-à-dire notre bel istikhra, notre tatabur, donc ils ont dit cela. Et le voisin, comme le dit Aïcha radhiallahu anha, elle dit que c'est 40 maisons de toutes parts. 40 maisons de toutes parts. Et Ali ibn Abi Talib dit que c'est celui qui entend ton adhan. Si tu faisais l'appel à la prière matin, ou bien n'importe quel appel à partir de ta porte, tous ceux qui t'entendent sont tes voisins. Et en vérité, ça aussi c'est toujours la même chose tirée d'après un hadith qui est daif. Donc il est utilisé à partir du moment que l'urf, que l'habitude, que la coutume du pays n'a pas donc, c'est-à-dire, si maintenant on devait savoir qui était réellement voisin, c'est selon le pays. En vérité, on revient à l'urf, parce que le hadith est daif. Donc les 40 maisons, c'est pas authentique. C'est pour ça que Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmallah, vis-à-vis de cela, dit que cela revient à l'offre. Si, c'est-à-dire que normalement cela revient à l'offre. Qu'est-ce qu'un voisin maintenant dans une grande ville? Qu'est-ce qu'un voisin dans un village? On voit, on n'a pas dans un petit village maintenant de 500 habitants la même conception du voisin qu'une grande banlieue. Qu'une grande banlieue maintenant. Des fois on ne connaît même pas ceux qui sont proches. C'est pas la même conception chez les gens. Donc on doit revenir au offre. Qu'est-ce que le voisin dans l'endroit où on habite? Alors en réalité c'est ça. C'est ça le chokm. S'il doit avoir un chokm. Donc un statut juridique vis-à-vis du voisin, on doit revenir notre urf, c'est-à-dire à la coutume par rapport à cela. Et si il n'y avait rien dans l'urf, si les gens ont même perdu ce urf, en ce moment-là on revient aux 40 hadiths. En ce moment-là on va revenir justement au point, c'est-à-dire apprendre aux 40 maisons qui sont de toutes parts. Aux 40 maisons qui sont de toutes parts. Aussi, donc vis-à-vis de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa grande récompense, la grande récompense de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et Sahih al-Albani rahmatullah alayhi, yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, قال عز وجل المتاحبون في جلالي لهم منابر من نور يعبطهم النبيون والشهداء. C'est-à-dire ceux qui s'aiment pour ma grandeur, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc ceux qui s'aiment pour ma grandeur auront des manabers de nour, de lumière, dont les envoyés et les martyrs, ils seront jaloux. Ils seront jaloux. L'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, elle va donner donc une lumière. Elle va permettre de donner une lumière à ces croyants qui sont aimés en Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour autre chose, ni pour un bien de la vie d'ici-bas, ni pour un mansab, ni pour se rapprocher d'une personne importante, ni pour que son nom soit ici ou cela. Il suffit de voir comment étaient justement les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment étaient aussi les plus prédécesseurs qui évitaient maintenant de se rapprocher des umara, des émirs, afin de ne pas tomber justement dans le piège de la dunya. Beaucoup de salafs parmi les grands savants évitaient, restaient dans leur coin justement pour ne pas tomber dans ce piège-là de la vie d'ici-bas. Donc les personnes, s'ils aimaient les gens, c'était pour Allah, et s'ils les détestaient, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se serrer la main est ce qu'elle fait perdre ou ce qu'elle fait tomber comme péché. Le fait de se serrer la main est ce qu'elle fait tomber comme péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith rapporté par Tirmidhi, il est authentique. Ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufila lahuma qabla an yaftariqa. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, chaque musulman qui se rencontre et qui se serre la main, donc leur est pardonné tant qu'ils ne se sont pas séparés, jusqu'à ce qu'ils se séparent. C'est-à-dire, leurs péchés sont séparés. D'où l'importance de serrer la main à la personne. C'est une sunna de serrer la main à la personne. Et en plus, les péchés seront en ce moment-là, donc, disparus. C'est-à-dire, effacés. Les péchés seront effacés. Aussi, qui d'entre vous voudrait que dans son registre, c'est-à-dire son registre lui fasse plaisir? Qui de vous voudrait que son registre lui fasse plaisir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, et il a été aussi donc déclaré comme bon chez l'imam al-Bani, rahmatullah alayhim, man ahabba an tasurruhu sahifatuhu fal yukthir fiha min al-istighfar. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime que son registre lui fasse plaisir, qu'il dise abondamment, c'est-à-dire qu'il demande abondamment pardon à Allah. Yurtsir, c'est-à-dire qu'il dise abondamment pardon, estirfa. Et il sera heureux de voir ce pardon, cet estirfa, lorsqu'on dit astaghfirullah, s'il le dit abondamment, il sera content de rencontrer cela le jour dernier. Aussi, la personne qui entre au paradis avec donc le fait d'abreuver, le fait de donner de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths rapportés par Al-Bukhari, comme quand un homme a vu un rajulan, ra'a kelban ya'kulu thara min al-'arsh, fa akhadha khaffa fa ja'alahu ya'rifni lahu bihi hatta arwahu, fa shakara Allah lahu fa adkhalahu al-jannah. Shakara Allah lahu. Comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un homme qui a vu un chien qui mangeait de la terre, qui était en train de manger de cette terre, tellement il avait soif. Et cet homme a pris donc du surkhouf, et il a rempli de l'eau dans son surkhouf et il lui a donné, et Allah subhanahu wa ta'ala a été reconnaissant envers lui. Chacun Allah a été reconnaissant envers cette personne et l'a fait entrer au paradis. Il l'a fait entrer au paradis du fait que cette personne a été miséricordieuse envers cet animal. Ainsi que celle qui adorait Allah, et là à ce moment-là on doit prêter attention à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui adore Allah, et on voit qu'on mentionne une dame, on mentionne une femme, car on sait que souvent c'est les femmes qui souvent on retrouve dans ce domaine donc les femmes qui sont plus promptes, plus habituées à faire, par exemple, à commettre certains mal comme riba wa namima, le fait de faire causer du mal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même vis-à-vis des droits du voisin, il parle aux femmes, il mentionne les femmes. Il mentionne les femmes vis-à-vis de donner des sadaqas. Il mentionne les femmes de ne pas commettre du mal. Car l'homme bouge, l'homme va ailleurs. La femme, des fois, rencontre plus facilement le voisin. Et plus facilement elle va aimer, comme plus facilement elle va détester. Ça, c'est, on va dire, donc c'est la nature propre de la femme d'aimer plus facilement ou de détester plus facilement. Le prophète, donc Abu Hurayra rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, inna fulana taqumul layl wa tasumun nahar, certes une telle prie la nuit et elle jeûne le jour. Donc elle jeûne le lundi, les jeudis, le jeudi Ayam al-Bid, 13, 14, 15. Donc elle fait et elle donne en aumône. Elle commet les œuvres surérogatoires. Et elle cause du tort, ou elle commet, donc elle cause du tort envers sa voisine. Envers sa voisine. Donc elle fait du mal à sa voisine. Bilisaniha, avec sa langue. Donc elle cause du tort, ou elle gêne sa voisine avec sa langue. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la khaira fiha, pas de bien en elle. Elle prie la nuit, elle jeûne, les lundis et le jeudi, elle jeûne sur érogatoire. Elle fait des œuvres, si nous on voit ses œuvres, on va dire que c'est une mutazima, mashallah, c'est une mustahima, c'est une abida. On peut que dire du bien de cette femme vis-à-vis de ce qu'on va voir. Des œuvres que c'est des œuvres, justement, c'est pas des œuvres de n'importe qui, que de jeûner souvent, que de prier la nuit. C'est vraiment les jeunes, des gens qui se rapprochent énormément pourtant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il y a de mieux. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la khaira fiha, pas de bien en elle, hiya min ahl nar. Hiya min ahl nar. Elle fait partie des gens de l'enfer. Après ça, sa langue, elle a effacé toutes ses œuvres. Parce qu'elle a commis justement un tort envers sa voisine. Et ils disent aussi, et une telle, toujours une femme, elle prie les prières maktouba. Tout ça l'est, elle maktouba. Donc elle prie les prières prescrites. Et elle donne en aumône. Donc ce fromage qui est asséché, qui n'est pas cher en plus, donc qui est un fromage qui a été laissé, qui est asséché, c'est pas quelque chose qui est énorme à l'origine. Voilà tu addi ahadan. Mais elle ne cause de tort à personne. Mais elle ne cause de tort à personne. Qala. Hiya min ahl jannah. Celle-là fait partie des gens du paradis. Regardez comme quoi le fait de causer tort, c'est trop grave. C'est pas quelque chose de basse, c'est pas quelque chose de léger. Et ce sont pas des textes qu'il faut prendre à la légère. C'est des textes qui s'appliquent sur chacun d'entre nous, sur chacun et chacune d'entre nous. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari fi Adab al-Mufrad. Il est rapporté par Al-Bukhari fi Adab al-Mufrad. Réprimander ou bien blâmer donc celui qui a deux visages. Celui qui a deux visages. Dhu wajhain. Celui qui a deux visages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par le même muslim, inna min shari nasi dhal wajhain. Certes, parmi les pires des personnes, c'est celui qui a deux visages. Alladhi yati haula bi wajhain. Celui qui vient vers cela avec un visage. Et avec les autres, avec un autre visage. Et ça peut être le Nemmem, par exemple. Donc, pour revenir, donc, le Nemmem va dire, donc il a entendu que A a parlé sur B, bien sur C, parce que c'est lui le B. A parle contre C, lui c'est le B, il va rapporter à C. Et après, c'est Munkin qui va, il est possible que C va s'énerver, va faire ceci, il va peut-être lui aussi parler. Il va sortir des choses. Et il va repartir voir A et il va dire il a dit ça sur toi. Et il va chercher à semer la zizanie. Donc il est considéré comme un double face, comme on dit, ou bien celui qui a deux visages. Celui qui a deux visages. Et ça, c'est le pire, c'est la pire des personnes qui puissent exister. C'est parmi les pires des personnages qui existent sur la terre. Donc en revenant par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que donc, le riba, donc la médisance, c'est interdit. Est-ce que si tu vas colporter cette médisance, c'est pire. et le C, celui qui écoute et qui accepte le B qui a colporté la mésidence, les ulama disaient qu'on voyait que accepter, ils appelaient ça al-sa'iya, accepter al-sa'iya, on voyait que c'était pire, que c'était plus grave que le fait de propager. Donc le B qui propage et qui va voir le C pour dire l'autre il a parlé sur toi, donc le C était plus considéré comme pire que celui qui a accepté. Parce qu'il a accepté, donc, c'est-à-dire, il a accepté quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est considéré comme un menteur en plus, parce que lui, il rapporte tout ce qu'il entend. Le prophète, hein, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths qui rapportaient par Moussil, est considéré comme menteur celui qui répète tout ce qu'il entend. Et parmi les façons de répéter tout ce que tu entends, c'est faire justement cette namima. C'est faire cette namima, donc tu es un menteur. Et accepter le mensonge, tu rentres aussi dans son mensonge. C'est pour ça qu'il disait, accepter c'était pire. C'était pire que ça. Et c'est pour ça qu'il ne laissait aucune porte à celui qui venait faire la main. Il faut laisser aucune porte parce que c'est parmi les causes donc les plus faciles, les plus rapides justement pour que la communauté elle se divise. Pour que la communauté elle se divise. Et c'est tellement maintenant répandu que les gens disent, l'appellent, donc là, si on peut dire ça comme ça, le délice des majalis, hein, c'est halawa fil majalis. C'est devenu maintenant un délice dans les assises de chez les gens. Et c'est quelque chose qu'il faut en vérité éviter. On croit que c'est pas grave, lakin c'est grave. N'oubliez pas qu'il y a déjà le châtiment dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths rapportés par Muslim, la yadkhulul janna namman, n'entre pas au paradis celui qui commet de la médisance, donc le médisant, un même, ou celui qui colporte plutôt. Des paroles qui font entrer au paradis et des paroles qui font entrer en enfer. Sahih qui est rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-abda la yatakallamu bi kalima min ridwanillahi la yulqilaha balan yarfa'u Allah biha darajat. Wa inna al-abda la yatakallamu bi kalima min sakhatillahi la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Certes, le serviteur parlera d'une parole qui sera donc qui va faire partie des paroles de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala sans y prêter attention. Et Allah va l'élever par cette parole en degré. Et certes, le serviteur prononcera des paroles qui vont engendrer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il n'a pas prêté attention à cette parole et il va s'enfoncer, donc il va bien sûr être jeté par rapport à cette parole en enfer. Il va le jeter par rapport à cette parole en enfer. D'où l'importance de vérifier ce qu'on dit. D'où l'importance de prêter attention, de faire attention à ce qu'on dit. Et aussi, parmi les façons de prêter attention à ce qu'on dit, c'est justement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La tahkiranna min al-ma'ruf shi'a » Donc ne déteste rien, ne déteste rien dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est bien. Même si tu rencontres ton frère, avec un visage radieux, même si tu rencontrais ton frère avec un visage radieux. Essaye toujours de prononcer les belles paroles. Tu vas prononcer les belles paroles et tu ne vas pas aussi, donc tu vas annoncer les bonnes paroles et tu ne vas pas rendre les choses difficiles. Tu ne vas pas venir, dès que tu rencontres quelqu'un, raconter les histoires de ton quartier maintenant. Ah, il y a eu ça, même si c'est entre frères, même si c'est ceci. Donc tu noircis pas les cœurs de tes frères par le fait de désespérer. Dans tout ce qui se passe de mal maintenant dans la communauté. On doit cacher ces choses-là afin que les gens justement entendent les bonnes paroles. Le prophète Hassan demande à ne pas justement entrer dans ces paroles-là afin que les musulmans soient justement bien. Il faut faire attention parce que des fois on pourra dire des choses qui vont être mauvaises, justement, parce qu'ils vont être contre nous, qui vont être mauvaises. Parmi les preuves ou parmi les qissas, si on peut dire comme ça, comme quoi justement les personnes donnaient, c'est-à-dire ne détestaient pas de donner des bonnes paroles, c'est que le shir de l'imam al-Bukhari a demandé qui d'entre vous va compiler la sunna. qui d'entre vous va protéger ou bien va propiler la sunna. Une seule phrase, une seule phrase. Il n'y a pas eu besoin de mettre en marche. Et l'imam al-Bukhari, avec une seule phrase, un bout de phrase, il a compris et il a écrit Sahih al-Bukhari. Une seule phrase, un bout de phrase, et qu'est-ce qui vient après? Sahih al-Bukhari, hein, le livre le plus sûr, après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est juste un bout de phrase. Donc ça, c'est une preuve parmi les preuves de l'importance après de ces paroles, par exemple. Et aussi, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, détestait ce que font des fois certains du'as, certains prêcheurs qui aiment parler des péchés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commettent des péchés, il faut des fois dire que pensez-vous d'un peuple qui fait ceci. Mais eux, ils entrent dans les détails. Ils entrent dans les détails. Et ils détestaient cela parce qu'ils savaient que va aimer cela ceux qui ont quelques maladies du cœur. Ceux qui ont quelques maladies du cœur, le fait que tu vas donner des détails dans le haram, donc en vérité, tu leur donnes le mode d'emploi. Tu les incites sans savoir. Et c'est ce que beaucoup de gens ont fait, et que c'est des cas qui se propagent parmi nous parce qu'ils ont de l'argent, ces gens-là. Ils aiment, c'est-à-dire attirer la population avec ces cas-là en parlant des péchés, des péchés, des péchés, et des fois donnent trop de détails dans ces péchés-là, et ça, c'est pas bien. Et ça, justement, c'est pas bien. Et ça, je reste un témoin, ont demandé de ne pas faire ça, afin que ceux qui ont une maladie du cœur ne prennent pas ça comme délai pour tomber dans le piège. C'est pour ça qu'il faut éviter. C'est pour ça que le prophète en plus dit, Salasim, Bashiru, hein, voilà tu n'as filou. Bashiru, voilà tu n'as filou. Donc, annoncez et ne faites pas fuir. Yassiru, voilà tu as assiru. Facilitez et ne rendez pas difficile. Lorsqu'on dit Bashiru, voilà tu n'as filou, c'est justement par rapport à ça. Parce que tu vas dire à tout le monde, y'a ça là-bas, y'a ça là-bas, y'a ça là-bas. Tu vas rentrer trop dans les détails de ce qui se passe. Tu vas en vérité ouvrir la porte à ceux qui sont nouveaux ou à ceux qui sont faits pour qu'ils suivent. Justement, ils vont dire, ben, je ne suis pas le seul, alors moi aussi. Dès qu'il va avoir donc s'il penchait déjà vers ce péché, alhamdoulilah, il se protégeait quand même, il peut facilement couler parce qu'il a entendu que tel il fait, tel il fait, tel il fait, ben moi je continue, ben je fais la même chose. Donc ça, c'est aussi quelque chose où il faut faire attention. C'est des points importants où il faut faire attention. Le fait de pardonner les gens, le fait de pardonner les gens, ça fait entrer au paradis. Un S rapporte, donc il dit, كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه يزيدك صلى الله عليه وسلم va venir vers vous maintenant un homme parmi les une personne parmi les personnes du paradis فطلع رجل من الانصار est venu un homme parmi les ansar donc les gens de Médine et donc le prophète صلى الله عليه وسلم donc lorsqu'il a cité cela. Donc c'est Ibn Omar l'a suivi. Ibn Omar l'a suivi et il a vécu donc avec lui et il a regardé qu'est-ce qu'il faisait. Donc il suivait, donc il regardait précisément quel acte précisément suivait. Donc il n'a pas vu chez lui quelque chose d'étonnant. Il n'a pas vu dans ses actes quelque chose d'étonnant. Donc il a vu, c'est-à-dire la même chose que chez les musulmans. Donc il lui a posé la question et il lui a dit. Donc il lui a dit, je n'ai pas vu en toi, je te quelque chose d'étonnant, et il lui dit, car, il lui dit parce que, non, dit simplement, donc en vérité, moi je n'ai jamais eu de dentiste, je n'ai jamais voulu tricher, c'est-à-dire chez les musulmans, et je n'ai jamais été jaloux hein, chez les musulmans. À chaque fois que quelqu'un a eu quelque chose, il n'a jamais senti cette jalousie chez les musulmans, et aussi bien sûr, il demandait en même temps aussi pardon, il demandait pardon à ceux qui lui causaient du tort. Il demandait pardon à. Alors, donc il disait à Allah, qu'Allah pardonne-le. Demandait pardon à Allah à ceux qui lui causaient du tort. Il ne voulait pas être sévère que ces gens-là puissent être au paradis. Il ne voulait pas être sévère que ces gens-là entrent au paradis. Et on retrouve parmi ceux-là, donc parmi les gens qui étaient comme ça, Shiri Samtimiya Rahmatullah Alayhi, lorsque ceux qui lui causaient tort parmi les soufis et qu'ils ont été sévères pour qu'il se fasse, donc pour qu'il entre en prison la Khélihi, c'est-à-dire avant qu'il entre en prison, s'il mourait, alors c'est au moment où il était libre, s'il mourait, il s'occupait de leurs enfants. Afin que s'il ne s'occupe pas, il avait peur que s'il ne s'occupe pas, en réalité, il faisait passer son nefs, hein, lui-même, c'est-à-dire avant la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait passer la vérité avant le nefs. Il s'occupait de l'orphelin. Il ne disait pas, c'est l'orphelin, fils de mon ennemi, alors je ne m'en occupe pas. Il s'occupait d'eux afin justement de. Donc c'est en vérité, il y a aussi quelque part une forme de pardon par rapport à cela. Et aussi, Cheikh Mohamed Amin, avant de mourir, il a dit à ses élèves, dit à tout le monde que tout, c'est-à-dire dit à tous ceux qui parlent sur moi, ben on sait bien que beaucoup de gens ont menti sur lui, donc sa mauvaise réputation, c'est-à-dire sa réputation en tant que soi-disant mauvais homme, elle a été propagée dans toute l'Arabie, alors que c'est le contraire. S'il savait, il suffisait juste de demander à Cheikh Nouvez pour savoir qui était cet homme, rahmatullah alayhi jami'an. Il a dit, dites-leur que je leur pardonne, parce que j'ai pas envie d'être le sabab, la cause de leur entrée en enfer, C'est pour ça qu'il demande aux musulmans de pardonner, de ne pas chercher toujours, dès qu'il y en a un qui s'en prend toi, de t'en prendre à lui, de t'en prendre à ses compagnons, de t'en prendre. Tu vas même, des fois même, tu dépasses les limites. C'est pas que lui, c'est lui et tout, et toute sa famille, et tous ses proches, et tous ceux qui pensent comme lui, tous ses copains. Si maintenant c'est des affaires qui sont blessures personnelles, à ce moment-là, on pardonne. Maintenant, si c'est religieux, ça sera entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi, on dit aussi une qissa qui a écrit une baisse à Fratullah Ali. Elle dit, donc on dit au shir, donc c'est un élève qui dit au shir, remarque que tout le monde t'aime bien. Tout le monde t'aime. Même ceux qui ne te suivent pas vraiment, même ceux qui ne sont pas trop accrochés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui ne veulent pas spécialement mener les sunnah al-jama'a. Mais ils ont quelque chose, ils sont attirés. Et il dit, Allah a'lam, il dit, mais je ne me souviens pas dans ma vie avoir été jaloux envers une seule personne. Il ne se souvient pas que la jalousie est passée dans son cœur. Il n'a jamais envié qui que ce soit. Et toujours, donc parmi les causes qui font entrer au paradis, c'est le fait de cacher les défauts de son frère, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les hadiths rapportés par le même muslim, « La yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allah fi l'akhirah » À chaque fois qu'un serviteur cache donc les défauts de son frère dans la vie d'ici-bas, Allah lui cachera les siens dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, tu vas peut-être parler à 10 personnes, 15 personnes. Tandis que dans l'au-delà, c'est devant tout le monde. Regardez la différence. C'est le marcha. Hein, c'est le motif. C'est une terre plate. Tout le monde est là. Du premier au dernier. Donc cache maintenant. Comme ça, justement, Allah subhanahu wa ta'ala va cacher les tiens dans l'au-delà. Ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « Ya ma'asha, man amana bi lisanihi, wa lam yadkhul l'iman fi qalbihi. » Ô peuple ou groupe de ceux qui croient, avec leur langue, ils disent « Je suis croyant », ils parlent de bonnes choses, ils vont parler des œuvres de la croyance, mais la foi n'est pas entrée dans son cœur. Elle n'a pas dépassé cette gorge, il n'a pas compris, c'est pas entré dans son cœur. C'est que des paroles. C'est pas entré dans son cœur. Il dit, la tu'du al-muslimin, ne commettez pas de tort envers vos frères, envers les musulmans. Voilà tattabi'u awratihim. Et ne suivez pas leurs défauts. Fa innahu man tattaba'a awrat akhihi, car celui qui suit les défauts de son frère, yattabi'u Allah awratahu. Allah va suivre, va montrer. Allah il va le montrer à ce moment-là, ses défauts. Yafdahu wa lahu fi jufqaytihi. Il va donc le dénoncer même s'il était dans le plus profond de sa maison. Jufqaytihi, à l'intérieur de sa maison. Même s'il avait fait quelque chose qui serait un être, il va se faire après dénoncer quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, ça, bien sûr, entre dans ce qu'on appelle aussi le tajassus, le tahassus. Le fait de chercher, de demander aux gens qu'est-ce qu'il fait à tel, avec qui il traîne, pourquoi. C'est le menhej, comme on l'entend chez certains. Avec qui il traîne à tel? C'est quoi? C'est le menhej. Le menhej, il dit ça? Le menhej, il dit que moi, je dois vérifier ce que l'autre fait et je dois te le dire à toi. Qui tu es, toi? Le Mufti m'a pas dit ça. Cheikh Fawzali m'a pas dit ça. Hein, tous les ulama n'ont pas dit ça. Comment toi, tu peux te permettre de venir dire ça? Donc faites attention à des gens qui utilisent le mot c'est le menhej pour aller fouiller dans les détails des gens. Lorsque le bien va venir, il va venir. Si le mal il doit venir, il va venir. On va savoir. Avec une sans venir fouiller, spécialement notamment si tu vois que c'est ton frère, il fait partie de l'Ahl Sunnah wal Jama'a, mais tu as envie de chercher un détail ou un défaut pour essayer de détruire ton frère, pour essayer d'aller crier ou dans le toit. Donc il faut faire attention. Il faut savoir que le manège, on le prend des ulama, on le prend pas des enfants. On prend pas des enfants, on prend de ceux qui ont du ilm, de ceux qui savent qu'est-ce que justement cette voie qui est pure, qui est pure. Et attention justement aux, c'est-à-dire aux fausses, soi-disant, aux faux buts, aux, hein, dans justement en disant que soi-disant on va protéger derrière notre religion, mais en vérité, on fait beaucoup de tajassous, on fait du tahassous, on suit les défauts de nos frères et on sort n'importe quoi. L'imam Ahmed dit vis-à-vis de, des gens, vis-à-vis de Ahl al-Bida, vis-à-vis de Ahl al-Bida, il dit l'oula laka wa sani alayk. La première elle est pour toi, c'est-à-dire que tu as raison de prévenir contre lui. On n'a pas dit que ça n'existe pas. Allah prévient énormément contre le chef, contre les gens du Fassad et la Khélé. Il dit la première elle est pour toi, mais la deuxième elle est contre toi. C'est-à-dire que tu vas dire qu'il a tel et tel défaut, tu vas dire qu'attention parce qu'il a ceci, parce que. Stop! Non, demain, je ne vais pas en répéter l'après-demain, je rentre, je parle après, et je rajoute, et j'insulte, et je suis devenu méchant. C'est pour ça qu'il dit, mais Ahmed, la première, elle est pour toi, la deuxième, elle est contre toi. C'est Hasad al-Haja. On n'a pas dit que ça n'existe pas. Ça existe, mais avec les règles religieuses. Avec les règles religieuses. Et ceux qui entrent dans ces règles religieuses, qui savent que dans les livres de Hadith, ceux qui venaient faire donc ce genre de ilm, hein, ce genre de ilm, avaient énormément d'ittila. Et surtout, parmi les positions de pouvoir rentrer dans ce genre de sens, il fallait avoir énormément la crainte d'Allah. Pour pas que c'est ton nefs qui passe. Parce que c'est un sujet, quoi, hassasi, il va être hassasi. Les passions peuvent l'emporter facilement si maintenant tu vas défendre ton nefs et la khalil. Donc il faut faire attention par rapport à cela. Il ne faut pas diviser les musulmans gratuitement. Il ne faut pas diviser les musulmans gratuitement. Alors, donc, on sait bien que le sunnah ou le jama'a sont alliés. Comme Al-Bid'ah, Al-Firqa aussi sont alliés. Donc si tu divises la communauté donc des gens de la Sunna du consensus, le Salafiyya ou bien Al-Hadith, avec des Grecs qui ne sont pas de Al-Sunna al-Jama'a, donc ça sera toi qui vas sûrement tomber dans des Bid'ah, hein, dans des Bid'ah, mais le Haythou la Tashkhur, de où tu ne vas pas ressentir. Et faites attention à cela, faites très, très attention justement à comment en vérité on doit être dans ce sujet-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi rapport des hadiths rapporté par Abu Daoud, wa hassanahu al-Albani, donc une maison qui sera, c'est-à-dire au haut du paradis, et au milieu du paradis, lorsqu'on dit au milieu du paradis, c'est-à-dire en réalité, c'est pas au milieu, si ma salam c'était 100 degrés, donc c'est pas au 50e degré, c'est pas ça le milieu, parce que c'est le milieu par rapport au haut. Le fait que, donc, un Ferdos, on sait qu'au-dessus, qu'est-ce qu'il y a, là c'est Ferdos, et c'est en forme de coupole, parce qu'au-dessus il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a justement cette forme de coupole, c'est ça, le milieu du paradis. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, Ana zi'inun bi baytin farid al-jannah liman taraka al-mira wa in kana haqqan. Donc je suis, donc je vais prétendre la maison, c'est-à-dire au milieu du paradis, pour celui qui laisse al-mira, qui laisse la dispute, cette discussion, même s'il dit la vérité, même s'il est en vérité, même si tu as raison, même s'il a raison. Donc même si tu as raison, si tu vois qu'en face de toi, c'est pas la peine, il n'y a pas moyen de faire comprendre cette raison, tu délaisses, même si tu as eu raison. Donc là, c'est, tu vois, ça c'est le jannah, l'imam talak al-kadhib. Donc c'est par rapport à ça, le wasat, lorsqu'on dit, donc celui qui a, au milieu du paradis, il aura, donc le prophète Sam, donc répond de lui, pour qu'il aura une maison au milieu du paradis, s'il délaisse le mensonge. S'il délaisse le mensonge. Wa in kana mazihan, même s'il rigole. Même s'il rit. Donc il va dire des choses, mais en vérité c'est faux. Cette chose elle est fausse, mais lui dit je rigole. Comme on dit, donc je rigole. Et à la fin je rigole. On met à la fin un mot, je rigole. C'est-à-dire que c'est des paroles qui sont comptées. Elles sont montées chez les anges. Ne crois pas que je rigole, ça efface la parole. Elle n'efface rien du tout. Je rigole, ça n'efface pas. Pourquoi tu parles de choses qui sont fausses? Pourquoi tu lis des fois des choses qui seront peut-être même très mauvaises? Et à la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu termines par je rigole, comme si je rigole, c'est quelque chose qui venait effacer. Effacer la chose, c'est pas vrai. Le musulman, il fait attention dans ce qu'il dit. Il fait énormément attention à sa langue, énormément attention à sa langue. Wa bi baytin fi a'la al-janna liman hassana khuluqahu. Liman hassana khuluqahu. Et ce hadith rapporté par Abu Daoud, donc il est déclaré comme bon. Et une maison au plus haut degré du paradis, pour celui qui va parfaire son comportement. Celui qui va parfaire son comportement. Fadl islah bayna an-nas. Le fait d'arranger, le fait de réconcilier envers les gens. Voilà ce que veut la religion de nous, le fait de réconcilier envers les gens. Comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu des gens d'une tribu donc, qui se disputaient, qui étaient à Quba, il a dit aux compagnons, venez avec moi, on va réconcilier entre eux. Il a dit, venez avec moi, on va réconcilier entre eux. On ne vient pas mettre, comme on dit, de l'huile dans le feu. On ne vient pas mettre de l'huile dans le feu, mais on arrange l'affaire. On arrange l'affaire. Et c'est le moment même où on peut mentir. C'est permis, en ce moment-là, le mensonge, pour justement calmer l'affaire, justement pour éteindre ce feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de Zahil qui est authentique, elle est rapportée par Tirmidhi. Donc il dit Ala ukhbirukum bi afdali min darajat siyam as-salat wa as-sadaqa qalu bala qal as-salah dhat al-bayn fa inna fasad dhat al-bayn hiya al-haliqa. Donc il dit al-haliqa wa al-haliqa, c'est-à-dire la aqul, comme il dit dans une autre version, il dit sallallahu alayhi wa sallam hiya al-haliqa la aqul تحلق الشعر ولكن تحلق الدين تحلق الدين. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne vais-je pas vous annoncer de quelque chose qui a un plus haut degré que le jeûne, la prière et la sadaqa. Ils disent oui, ou que oui, envoyé d'Allah, il dit réconcilier entre ceux qui ont des problèmes entre eux, Zat al-Bayn, c'est ceux qui ont des problèmes entre eux, des divergences. Car et donc il dit après, donc dans une version, car le fait que donc, ces gens se sont, donc, le fait que les liens ont été rompus, donc bien sûr, c'est al-haliqa. Dans une autre variante, il explique sur la scène, il dit que le tafsir de al-haliqa, je ne dis pas qu'elle coupe les cheveux, mais elle coupe la religion. Elle rase. Je ne dis pas qu'elle va raser ces cheveux-là, mais elle rase la religion. Donc elle détruit la religion. Donc le fait que les gens sont en discorde, il a réunit, ça détruit la religion. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, donc les gens disent, les ulama disent que fa asbahtum, c'est que maintenant vous êtes devenus ikhwana bi ni'matihi, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est comme quand on dit quelqu'un asbaha ajuzan, il est devenu vieux, est-ce qu'il pourra devenir jeune? Non, il reste. Donc vous êtes devenus des frères, vous ne pouvez pas après cela, c'est-à-dire ne pas devenir frère. Si vous voyez que votre situation, vous n'êtes pas frère avec les gens, donc plutôt regardez le problème, il est chez vous. Le problème va être chez soi-même, chez moi, chez toi. Si on se rend compte, on n'est pas avec les gens. Ce n'est pas un problème de la religion, mais c'est un problème qui vient de nous-mêmes. Parce que la religion nous demande totalement le contraire. Parmi aussi les choses qui font entrer au paradis, c'est le fait de visiter le malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi et il est authentique, ma min muslimin ya'udu musliman udwan illa sallallahu alayhi 70,000 malak hatta yunsi wa in 'adahu 'ashiyatan illa sallallahu alayhi 70,000 malak hatta yusbihu wa kana lahu khalif fil jannah. Wa khalif c'est mustana, c'est-à-dire en vérité, donc c'est sanar, c'est des fruits qui sont prêts. Le fama, donc c'est des fruits qui sont prêts, il n'a plus qu'à les prendre. Donc ils sont prêts déjà à la consommation. C'est des fruits mûrs à la consommation. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, chaque musulman qui visite un musulman dans la journée, 70 000 anges vont prier sur lui ce jour-là. Et s'il le visite le soir, 70 000 anges vont prier sur lui ce jour-là, et il aura des fruits qui seront prêts, mûrs pour lui au paradis. Si la personne a des fruits au paradis, ça veut dire que la personne se retrouve au paradis, puisque ses fruits sont là, c'est ses fruits. Il ne va pas être en enfer avec des fruits au paradis, il va être avec ses fruits, il va être avec ses maisons, il va être avec ses degrés. Les bienfaits de l'Aden et de ceux qui, donc le Mouaddin, ceux qui font appel à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al mu'addinun aqalu an-nas a'naqa yawm al-qiyamah. Donc les mu'addin, ceux qui font l'appel à la prière, auront les coups les plus grands le jour dernier. Donc c'est un bienfait de l'Aden et de ceux qui commettent, de ceux-là, de ceux qui font cette art qui est bien. Car déjà, premièrement, ils arrivent avant les gens. Donc, normalement, déjà, ils sont là, ils vont pouvoir prier déjà toutes les prières qui vont être donc avant Takbirat al-Ihram. Et ça, c'est un grand bienfait d'être avant les gens à la prière, d'appeler les gens à la prière. Ne serait-ce que lorsque simplement il dit La ilaha illallah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kharaja minun nar. Lorsqu'il a entendu celui qui faisait la dalle, et lorsqu'il est arrivé à La ilaha illallah, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kharaja minun nar. Car il a dit La ilaha illallah, Kharaja minun nar. Ça, c'est un bienfait parmi les bienfaits que l'on retrouve dans, par rapport à ceux qui font la dalle. Par rapport à ceux qui font la dalle. Deux rakas, donc deux unités, hein, deux rakas, qui font entrer au paradis, qui font entrer obligatoirement au paradis. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma minkum min ahadin yatawadda'u fa yuhsinu al-wudu thumma yaqumu fa yarka'a rak'atan yaqbilu 'alayhima bi qalbihi wa wajhihi illa qad awjab al-jannah, yani. Donc chaque personne d'entre vous qui fait les ablutions et qui les fait de la meilleure façon, qui les fait de la bonne façon, puis se lève et prie de la rak'a, donc il se concentre, c'est-à-dire qu'il va aller vers cette prière avec son cœur et son visage, dans le sens où il va être concentré, il va être totalement humble, humilié et concentré, mais sur lui sera obligatoire. Lui sera obligatoire quoi? Le paradis. Lui sera obligatoire, bien sûr, le paradis. Comme dans une version du même musulman. Aujaba, c'est-à-dire Aujabat lahu al-Jannah. Aujabat lahu al-Jannah. Les bienfaits d'aller à la mosquée. Les bienfaits d'aller vers la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'Albani, Rahmatul alayhim jami'a, Bashir al-Mashin fi dhulam ila al-masajid bin nur al-tam yawm al-qiyamah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, annonce la bonne nouvelle de ceux qui marchent donc dans le noir vers les mosquées, qu'ils auront des lumières complètes le jour dernier. Ils auront des lumières qui sont complètes le jour dernier. Et aussi un muhafaza ala takbirat al-ihram. Donc le fait d'être assidu à tout le temps être à la mosquée, d'arriver à la mosquée avant qu'il y ait takbirat al-ihram, c'est-à-dire hein, donc le premier Allah Akbar lorsque l'imam commence sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit des hadiths rapportés par Tirmidhi et il est déclaré bon chez l'imam al-Albani, rahmatullahi alayhi, Man salla lillahi 40 yawman fi jama'a yudriku takbirat al-ula. كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. Donc celui qui prie 40 jours, hein, donc qui prie 40 jours en groupe, et qu'il arrive à avoir, qu'il arrive à être là pendant présent dans la takbir al-Ula, c'est-à-dire dans le premier takbir, lui sera écrit de donc, innocentement. Il sera innocenté, donc il sera en vérité innocenté du feu et aussi de l'hypocrisie. Du feu et de l'hypocrisie, du feu et de l'hypocrisie. Aussi, par rapport aux prières, toujours dans le registre des prières, celui qui maintient à l'habitude de prier Qiyamul-Layl, ou ça lui arrive souvent de prier Qiyamul-Layl, si un jour il ne prie pas Qiyamul-Layl, il peut le rattraper en faisant Salat al-Duha. Car Salat al-Duha vient donc rattraper ce que tu n'auras pas prié dans Qiyamul-Layl. Walladhi ja'ala layla wa nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Donc celui qui a mis donc la nuit et le jour en succession, celui qui veille donc se souvenir et celui qui veut être reconnaissant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un homme qui est parti voir Omar ibn Khattab et qui lui a dit, radia anhu, lui a dit, donc j'ai raté Qiyamul-Layl, je n'ai pas prié Qiyamul-Layl, je me suis endormi. Et Omar ibn Khattab lui dit, prie Doha, il lui a dit près de Duha, et après il lui a cité ce verset. Car la nuit, c'est la succession du jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité cette religion, que si on n'est pas capable, matin, si on s'est endormi et qu'on n'a pas prié Qiyam al-Layl, donc on le rattrape près de Duha. On le rattrape dans la prière de Duha, c'est vis-à-vis de ce verset. Donc on va s'arrêter là. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.